Mathieu Plante est reconnu mondialement pour ses chroniques à assemblage requis. Malheureusement, l'opinion populaire est que c'est juste pas assez. C'est pour ça qu'il a créé le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Retrouvez la chronique Geek CNX, le segment télévisuel Television, en plus de la chronique de la geekette en devenir Marie-Ève Picard. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Les mercredis de 16h à 17h, on rappelle les samedis à 15h.